pour la MIF. Brand new. Je fais même des jingles. Hein. Yes. Donc c'est Ehud 408, émission spéciale, la 25e, 22h minuit, il est 23h. On prend notre temps tranquillement. On est là. Les grands-pères à Javier a vendu des noirs. Aujourd'hui, c'est sa coque qui vend la blanche. On a peut-être peur de mourir parce que des hommes connaissent les paradis, nous voudra pas. Il m'avait dit, t'inquiète pas, frérot, j'ai touché à rien si jamais on va là-bas. Après 4 flashs, j'essaie, y'a rien à faire, c'est moi qui improvise un vol en bande. Si on se bûche pas, qui va nous nourrir? On vendait la drogue même quand c'est Noël. Et pour la guerre, t'attends les déluges parce que s'il pleut des balles, j'irai avec Noé. J'suis pas dans vos soirées, dans vos délires. À part, c'est pour faire des touches rectales. Et j'ai les deux yeux pour les bénéfices parce que l'idée de mourir ici me terrifie. Et tire quelques barres, goûte la Medellin. Milingaza décharge les convois. Pourquoi t'essayes de me décrocher? Pas t'aider la lumière, prends-toi une grosse frappe et coup de gauche. Trois, mets-toi des grosses doigts. Pour la concu, y'a que des gauches droites. Ton père, les schlagas, j'éteins dos crâne. Je rentre courant dans les barrios. Je saute les barrières, je perds ma mère comme Cendrillon. Je crache tout ce que j'ai dans le poumon. Mon espoir de vie dans les cendriers. Mon espoir sentier. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en tirer? Je m'entends pas sans prier. Je crains si tu vis ton barrier. Je suis dans mon barrio. Je suis dans mon barrio. Je suis dans mon barrio. Je suis dans mon barrio. Je suis avec chez Cajun et Freestyle. En bas du barrio. Je suis dans mon barrio. Tu sais ce que ma prof m'a dit? À cause de ma gouille, je vais finir comme Malcolm. Si demain j'ai douille, si ton aimé donne sa chatte gratuite comme la prof à Macron. Absent parce que dans toutes les matières, papa m'a vu sortir les matins. Malheureusement, j'avais menti parce que la salope des profs voulait qu'ils se délivrent des fils dès qu'ils me traitaient des macaques. Oh, les voisins sont vigilants, t'inquiète pas, j'y reviendrai voler plus tard. L'hiver, j'y brasse avec la fourmi. L'été, je chante avec la cigale. Tu mets des baies dans l'habitacle. J'suis avec Biggie, j'faut que les Mbila. Noir, rouge et noir comme les Milan. Mélange les pondoules et ma foutre en Bila. Mini pile chez les bilans, y'a plus des billets chez les boulangers. On se déplace pas pour moins des 10 grammes. Y'a que la moula pour nous soulager. Plus de la jeune, plus ça s'élargit. Mon problème c'est l'argent, mais c'est l'argent. Je rentre en courant dans les barrios. Je saute les barrières, je perds ma peur comme Cendrillon. Je crache tout ce que j'ai dans le poumon. Mon espoir de vie dans les cendriers. Mon espoir sentier. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en tirer? Je m'entends pas sans prier, j'écrirai si tu vis ton barrier. Je suis dans mon barrio, je suis dans mon barrio. Je suis dans mon barrio, je suis dans mon barrio. Je suis avec Choka, je fais un freestyle. En bas du barrio, je suis dans mon barrio. Je suis dans mon barrio. En bas du Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jules. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, yeah, yeah, c'est Chao Jounès, on est toujours dans la 25e émission spéciale et août 22h minuit. Il était bizarre ce son, hein. Eh, les gens sont bien ambiancés sur le son, hein. Tu nous as mis bien en fait. C'est terrible. On est ensemble, ça fait plaisir. Bien. Tu vois, les réactions à chaud, elles sont là. Soit tu m'envoies ce son, soit je télécharge ton projet illégalement. Ah, les menaces. Voilà, je t'envoie cash, la famille, j'envoie. Ah, mais il faut pas que ça fouette tout aussi et tout. Au calme alors, c'est la famille alors, au calme. T'inquiète. Qu'est-ce que je fais, Jounès? Est-ce que j'enchaîne? Est-ce que j'enchaîne pas? Est-ce que t'enchaînes? Tu veux enchaîner? Je sais pas, n'importe. Est-ce que je fais mon petit jeu? Vas-y, je te suis, moi. Vas-y. Moi, je le garde à l'œil. Okay. Je le garde à l'œil. Donc, on va faire un petit truc. Est-ce que t'as de quoi écrire? Un bigot ou une feuille, un stylo? Moi, si jamais j'ai un stylo... Ouais, avec une feuille, c'est mieux. J'ai un stylo... Avec une feuille, stylo, feuille. Feuille. Je sais pas, okay. Ça se trouve, c'est à Hamid. Ok, donc on va faire un petit jeu, c'est facile. C'est ça. On l'a intitulé la rime facile. Oh yeah. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. N'écoute pas Edinho. Ah. Oh my god. je vais te donner la règle du jeu. Oui. On va te donner une liste de 10 mots à intégrer dans un texte. Ça veut dire que là, on va te donner les mots. On va passer. Tu m'as donné des morceaux, on va passer deux morceaux. Tu auras le temps pendant les deux morceaux d'écrire. Donc on te laisse dans ton coin, dans ta bulle. On diffuse les morceaux. Et après, tu nous fais soit un a cappella avec les mots qu'on t'a donné, soit on te met une prod. Si t'as envie, carrément, tu paieras sur la prod. Tu fais... ah. Ouais, c'est normal, qu'est-ce que... On est là, on va le faire. Ouais, t'es ça ou quoi, tu la famille? Après, les deux derniers sons, c'était Ma Paye. Ma Paye, Ma Paye, c'est les sons d'un pote à moi, mon vrai gars, Choka Pic, Choka Pop. Ok. Ils sont lourds, trop lourds. Il va péter bientôt aussi. Le son de Choka, et il y avait Ghost 1. Ouais, Ghost. Non, c'est Ghost 1, mais. C'est Ghost 1, mais c'est un son qui n'a pas de titre et tout. Ok, d'accord. C'est un son. Tu le laisses sans titre ou. C'est quoi? Ah, les titres, on verra qu'on va clipper. Exclu, on va voir les images du clip. Après, on va dire bon. Si. Ah, tu trouves les titres comme ça, toi? Ouais, ouais. Ah, t'es chelou. Après, ça dépend du son. Non, mais ça dépend du son. Imagine, tu fais un album. Sons... Oh, putain! 24 morceaux, 24 clips. Un clip, un morceau. Ouais, grave. Vas-y, calme. Donc, on va passer les sons. Attends, les mots déjà avant. Ce que je vais faire, je vais te donner les mots. Alors les mots, en fait, je les ai pris, c'est très simple, j'ai pris tes titres de clips, plus j'en ai rajouté en fonction de ce que je voyais dans tes clips. Au calme. Ok. Au calme. Donc je te conseille de noter dès maintenant, les mots c'est 9 mm, 408, facile. Ghost, facile. Parano, Piano. Jubilé, Tête, Soda. Bled, Garage, Barrage. Et Équipe. C'est les 10 mots. Donc je te répète les 10 mots. C'est 9 mm, 408, Ghost. Normalement, tu le fais direct, Parano, carrément. Jubilé, Tête. Et doit faire quoi, un couplet? Soda, Bled, Garage, Équipe. T'es pas obligé de faire un couplet, hein. Si t'arrives à les caler dans 4 phrases, tu les cales dans 4 phrases, t'arrives à les caler dans une phrase. Oh, calme, une phrase qui veut dire quelque chose quand même. Ouais, ouais. Vois, j'ai un 9 mm, je suis un gosse parano. Non, calme-toi. Essaye de mettre un sens quand même, tu vois. T'inquiète. Non, tu vois, après, si tu veux, tu le fais a cappella. Non, je le ferai a cappella, je pense. A cappella. A cappella, ça ira plus vite d'écrire. Vas-y, ok. Ce son contient des claquettes. On va commencer. Et si t'arrives, si t'arrives à incruster le mot babouche. Tu gagnes un snack food. Tu gagnes un snack food payé par Jounes. Au calme. Aïe. Au calme, c'est bénef. C'est bénef. Ah, viens nous, on rentre dans le bail aussi. Comment t'es ça pas vrai, t'es pas Oh, je te fais tout de suite. Ok. Donc, calme, je vais passer le son de Choka, Ma Paye. Ouais. Et ton son exclu dont on n'a pas encore le titre. Au calme. Il viendra. A voir avec le clip. A voir avec le clip. Je te laisse gratter dans ton coin. Vas-y, au calme. Et puis après, on revient. Ok, c'est bon. Émission spéciale Ehoud, la 25e, 22h minuit. Il est 23h08 exactement. On finit tranquillement. On écoute la cappella. Après, on balance le freestyle. Hein. Ouais. Les gens sont chauds, les gens sont là. Allez, lourd. On va lourd. Finir en beauté. Au calme. Yes. Squat. Quoi? Moi je veux commander ma paye. Les sous dans la poche de la veste. J'ai fait des mangeoires que mes restes. Tous les pétas sont filets indiennes. Ma sac c'est de l'intime. Les négos sont derrière mes chaînes. J'ai lâché des ventes sous des pays. Moi je veux commander ma paye. Les sous dans la poche de la veste. J'ai fait des mangeoires que mes restes. Tous les pétas sont filets indiennes. Ma sac c'est de l'intime. Les négos sont derrière mes chaînes. J'ai lâché des ventes sous des pays. C'est pénible d'un coup, je l'ai enlevé ma life. C'est la qui est devenue ma wife. On m'a déclaré mari femme avec des liasses. Quand t'es bouche, son gros bouge, on m'en tape sa life. J'ai dit bitch, dégage ma way. Il est pas tard pour que je fasse ta fête. De jour à jour, ma paix s'élève. Ma tête affichée dans la presse. Elles vont falloir des métiers pour Messi. On gâche mes doigts, moi non, je casse. Ma bouffe de lève, bitch, je casse. J'ai dit bitch, dégage ma way. Toute ma life est sur la feuille. Quand moi je pense qu'on essaye. Quand ma chaîne négo du texte. Quand souvent je tire sur la bœuf. Je monte tout là-haut comme une flèche. Pour tout mettre en gros finesse. Quand souvent je tire sur la bœuf. Je monte tout là-haut comme une flèche. Pour tout mettre en gros finesse. Mais mon bobo à la ligne, je suis trop flex. Hey. Votre table me fait pitié. Dans mes lives, vous pouvez peur. Hey. On pull up tes copines comme des stars. Hey. Tout ma taille couvert des balles, man. Moi je fais commenter ma paye, man. Quelques euros pour une chaîne. Hey. I'm a beat, shoot les sons, man. Moi je fais commenter ma paye. Les sous dans la capoche de la veste. C'est peut-être des mangeoires que mes restes. Tous les pétas sont filets indiennes. Ma sac c'est des NCM. Les négos sont derrière mes chaînes. J'ai lâché des ventes de fake. J'ai lâché des ventes de fake. Moi je veux augmenter ma paye. Les sous dans la capoche de la veste. C'est pédé, moi je vois que mes restes. Tous ces pédas sont fil indienne. Ma sac c'est des NCM. Les négos sont derrière mes chaînes. J'ai lâché des ventes de fake. J'ai lâché des ventes, j'ai fait. Dans un bain des billets, mérite ma vraie wife. Dans la vie à trop doux, tu pètes à la life. C'est souvent quand je parle à double life. Où je suis pété, je raconte ma life. Mais les magies, laisse-le parler. Ces négos, ils ont rien dans la tête. On va tous les rafaler. J'ai dit, négo, dégage ma way. On m'étonne solo qu'avec eux. Ma bec, c'est le feu. T'es qu'il y a plusieurs euros, je suis mon chèque. Y'a plusieurs euros, je suis mon chèque. T'as que la tête de maman dans le bec. Oui, j'ai quelques mégas dans les becs. Et j'ai les gars avec un PSH neck. Oui, j'ai rien prévu d'être personnel. Oui, j'ai dit, fais ton taille, putain, moi je pêche. Qui s'abonne au kéro cash. Elle joue la base à baby bref. Ton cooking au kéro cash. Ton nigga joue pas baby bref. Ton nigga joue pas baby bref. Hey Bob, quand je t'aide, oui, c'est la famille. Quand ça flingue, je suis ton ennemi. Négo pété sous pométazine. I'm a bitty pour le love, vas-y. Pose au studio tous les Monday. Mais négo derrière la money. Bitch, je te rendrai ta money. Fais la totale de la sombre. Moi, je veux commander ma paye. Les sous dans la capoche de la veste. C'est pété, moi, j'en que mes restes. Tous ces pétas sont fil indienne. Ma sac, c'est des NCM. Ces négos sont derrière mes chaînes. J'ai lâché des ventes de paye. J'ai lâché des ventes de paye. Moi, je veux commander ma paye. Les sous dans la capoche de la veste. C'est pété, moi, j'en que mes restes. Tu sais pétard sans fil indienne. Ma sac c'est un NCM. Les négos sont derrière mes chaînes. J'ai lâché des ventes de fake. J'ai lâché des ventes de fake. On n'attend pas les bons samaritains. Seul leur vie est arrivé. On l'aurait déjà niqué sans raison. Putain c'est ça le dessin. J'ai pété les plombs sans raison. Toute la ligne qui descend, esprit absent, encore présent, grandissant, grand frère, j'ai fait son, j'ai ma friandise en bas de l'immeuble, à te donner comme être merdaire, dans les coups, n'a pas t'as du médaille, mais des mains pas, ça va, prends-moi un vin, balai quand y'a la police, toujours c'est cause, toujours à fumer de la drogue, à casser une porte, à tabasser une top, pour moi danser, je n'ai qu'à lever une crosse, ramène tes copines, ramène-moi des principes, gosse, peux pas te faire de grossesse, si rester au fond, ta gorge comme une broche, si je te casse la tête, je fais pas des procès. La, la, la. Les blancs qui imitent les noirs, ça fait rire les noirs qui se prennent pour des blancs. Ouais, je serais bien, arrête de faire les grands. On va trouver à la gare, pétasse, on est tous fous à la base. On s'est tous mis à la brasse, c'est un souci, on connaît la barre. Si je vais, j'ai croque à ta part. Essoufflé, j'essaye de stopper l'hémorragie, conscient beaucoup d'entre nous mourront jeunes. Souligner un bis qui me rejoint, y'a qu'un son portefeuille qui me réjouit. Dans mon champ des visions, tu rétrécis. J'ai plus l'âge de craindre des représailles. Roberto Carlos, qui est des frappes précisées, 5 triple 0, tout ce que j'ai à présent. Je précipite vers mon navire, en temps d'épée, j'enlève pas mon armure. Des amis morts, bébé, j'en ai vu, mais demande pas où est-ce que va tout mon amour. Mon amour, je l'ai foutu dans un armoire. Dedans, y'avait des armées, pour de l'argent ça se tape avec des anneaux. Protège-moi l'éternel des armées. J'ai pète les plans sans raison. J'ai toute la ligne qui descend. Esprit absent, encore présent. Grandissant, grand frère, j'ai fait sang. J'ai ma friandise en bas de l'immeuble. A te donner comme être merdaire. Dans les coups, la pâte a du médaille. Mais demande pas, ça va, prendre moins 20 balais. Quand y'a la police, toujours c'est cause. Toujours à fumer de la drogue, à casser une porte, à tabasser une top. Pour moi danser, je n'ai qu'à lever une crosse. Ramène tes copines, ramène-moi des principes. Gosse, je peux pas te faire des grossesses. Si rester au fond, ta gorge comme une broche. Si je te casse la tête, je fais pas des procès. La la la. Ok, ok, ok. Vous êtes toujours, toujours, toujours dans la 25e ce soir sur Radio Sud. Radio Sud. Radio Sud.net. 1.8. Elroy est toujours là. Edinho est toujours là. Théo2S est toujours là. Sapologue est toujours là. BDRG est toujours là. Gore est toujours là. Radio Sud. Et surtout, Eoud est venu spécialement pour nous ce soir. Il a fait le déplacement depuis Mulhouse. Donc gros big up. Adama aussi est là, je l'ai oublié. Eh, ciao. Ouais. Là, tu dédicaces tout le monde. Il en est où notre partenariat avec Snack Food ? Partenariat avec Snack Food ? Bon, ben... alors voilà, ce qu'on va faire... Tu sais ce qu'on va faire ? Vas-y. On va ouvrir on va donner un message à tous les auditeurs. On va dire, si tu as un snack qui est ouvert le jeudi soir jusqu'à minuit, que tu es prêt à faire des casse-dalles jusqu'à minuit pour les invités, on aimerait bien prendre contact avec toi. Voilà, on est en train de faire des petits jeux, tout ça, s'il y a des casse-dalles à gagner. Mais je voulais savoir, ouais. Le jeu, il peut compter pour nous aussi. Toi, t'es intéressé. Moi, je t'ai fait des rimes là, vas-y. Ah, Elroy, il est pas venu pour rien. Hein. Opportuniste. Là, il faut prendre un truc. Thierry Henry. Je mets pas la main, moi, t'inquiète. C'est ça. Non, mais voilà. D'ailleurs, je refais un appel. Est-ce que tu peux mettre un petit fond d'instru? Ouais, excuse-moi, franchement, je suis en grève. DJ Jounes. Brand new. Bon, on a essayé de faire... Vous connaissez, nous, on fait ça avec rien du tout, tu vois, avec des bric-à-brac. Avec des bric-à-brac. Je fais un appel à tous les beatmakers de Besançon et des alentours. Si vous avez des instrus, si vous avez envie de passer dans l'émission, vous voyez... Si vous voyez, par exemple, juste derrière là, je suis en train de parler, il y a une instru qui passe, par exemple. C'est une instru face à... C'est ma maman, c'est... Ça. Ouais. Non, malheureusement, ce n'est pas... La maman de Jounes n'est pas Dr. Dre. Ah. Voilà, malheureusement. Je sais pas. Mais si on a un Dr. Dre à Bezac qui a envie de nous envoyer des instrus, envoyez. Nous, on les passe dans l'émission, il n'y a pas de souci. On va faire aussi des émissions spéciales beatmaker. Donc ça sera prévu aussi. Ça, c'est Resco, cette prod d'elle. Celle-là, c'est Resco. Resco, ouais. Resco, donc c'est Belfort. Voilà. Resco, si tu nous entends, voilà, Resco, gros big up à toi. Et à tous ceux qui nous ont envoyé les instrus sur le mail. Donc, je rappelle le mail, assola25e@gmail.com. Merci. Et continuez à nous envoyer vos sons aussi, si vous avez des sons format... MP3, bonne qualité, etc., etc. Envoyez-nous, on n'hésitera pas à les passer. On va revenir à Ehoud. Ehoud, pour ceux qui n'écoutaient pas avant, on lui a fait un petit jeu, la rime facile. La rime facile, on lui a imposé 10 mots. Donc je vais te rappeler les 10 mots quand même. Les 10 mots qui sont tirés de tes titres de clips. Donc il y en a à peu près 7, je crois, 6 ou 7. C'est des titres de tes clips, et j'en ai rajouté en fonction de ce que je voyais dans tes peu clips. Exactement. Donc les mots choisis, c'était 9 mm, 408, ghost, parano, jubilé, tête, soda, garage et équipe. Exactement. Voilà les mots. En passant, je fais un big up à Jeff, Negrito, la BLK, le fils, tu nous écoutes. Est-ce que tu veux nous faire un a cappella ou est-ce que tu veux qu'on te balance une prod? C'est toi qui choisis. En vrai, j'ai même pas eu le temps d'écrire, mais du coup, je vais faire un impro a cappella. Après, tu sais ce qu'on va faire? Dis-moi. Moi, je barre les mots à chaque fois. À chaque fois que j'entends le mot, je le barre. Et puis au pire, on te mettra une note sur 10, comme à l'école. Vas-y, c'est bon, calme. Si t'as la moyenne, t'as un snack food. Bon, calme. Un nouveau partenariat. C'est qui les jurys du coup? C'est le Roy ou quoi? Après... Non, il est... Non, pas mais lui. Mais si c'est bah moi, non. Jury, je lui dis, il a gagné, je m'en fous. Amène les Grecs. Je commence ça. Passe le micro, là. Passe le stylo. Tiens, ouais. Passe le stylo. Passe le mic. Ok. Vas-y. On va couper. Tu peux couper la prod du non, coup, je sais ce que je veux. Donc, c'est la première fois qu'on l'essaye. Donc, on l'essaye avec toi. Tu es notre cobaye ce soir pour la rime facile. Vas-y, au calme. Fais-nous un petit a cappella. N'hésite pas à aller lentement pour que les gens entendent bien ce que tu dis. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, on lui a imposé 10 mots. Il va nous faire un petit a cappella. Il a eu à peu près 4 minutes pour nous écrire un bail. Ouais. Du coup, c'est un impro. Du coup, j'ai écrit que 2 phrases. Du coup, je vais aller en impro. Ouais, c'est très bien. Il faut préciser aussi c'est un impro et tout. C'est de l'impro total. Attends, c'est écrit tout de suite. Comme t'as galéré au début pour faire notre jingle, là. L'impro, c'est comment? Hein? La tête. C'est quoi? En vrai, je sais même pas ce que je vais dire et tout. Mais... Vas-y, c'est l'impro. Vas-y, bonhomme. Bonhomme et tout. C'est de l'impro. Vas-y, magasin. Bonhomme, voilà. On est là pour ça. Vas-y, on t'écoute. C'est parti? Ouais. Vous êtes pro ou quoi? Aïe, aïe, aïe. Silence, on écoute l'artiste. Trouve-moi défoncé au garage avec des Jingari qui parlent Lingala. avec les clips, ça boit pas du soda. En train de jubiler comme Dybala. 9 mm sur la taille. Fais pas les fous, gros, je suis parano. Des babous, j'aimais toute l'année. Des babous, et toute notre vie, c'est parallèle. Mais prends pas la tête. Moi, je viens du bled. Et puis, je te découpe comme si tu venais du M. Oh, ne fais pas les fous. Oh, ne fais pas les thugs. Tu connais ces ghosts. Tu connais ces trop. Putain de merde, je sais pas quoi dire. Je sais même pas si j'ai fait tous les mots. Non. Je sais pas qu'est-ce qui manque. Oh, dis-moi alors quel mot il manque. Garage équipe. Garage, je l'ai dit au début, mec. Donc je pense que j'ai fait tous les sons. Donc je vais partir quand même en instru encore. En... Donc je pars en impro. Donc je pars en impro. Oh, oh, oh. La 25e. Oh. Et. Approchez-vous les gars, c'est parti pour le freestyle. J'ai déjà dit qu'on vend pas la drogue, foutez-nous la paix. Je suis pas meilleur qu'un autre. Mais si j'ai fini comme mais coupez-moi la tête. Faites comme si j'étais pas là. Comme bouteille de tête, qu'elle n'est pas la vraie. Tout c'est vide comme au parloir. Tout c'est vide comme au parloir. Monsieur l'agent, je vous ai déjà dit qu'on vend pas la drogue, foutez-nous la paix. Je suis pas meilleur qu'un autre. Mais si j'ai fini comme mais coupez-moi la tête. Faites comme si j'étais pas là. Comme l'œil d'un pirate, le cœur est bas à la vraie. Tout c'est vide comme au parloir. La canine précise vers mon navire. En temps d'épée, j'enlève pas mon armure. Des amis morts, bébé, j'en ai vu. Donc, me demande pas où est-ce que va tout mon amour. Mon amour, je l'ai foutu dans un armoire. Dedans, y'avait des armées. Pour de l'argent, ça se tape avec des anneaux. Protège-moi l'éternel des armées. Vu toute la ligne qu'on consomme, doute qu'on passera la quarantaine. Fais pas le guet en cause de ton caractère. Mes rats viennent te fumer dans ton canapé. Ça rien à faire, chérie, au salva. Ça rien à manger, je vends les savons. Très peu de chances de finir savant ou mourir sagement. Mais j'ai que de l'amour pour Mélo, ça. J'ai que de l'amour pour Mélo, ça, moi. J'ai que de l'amour pour Mélo, ça. J'ai que de l'amour pour Mélo, ça, moi. J'ai que de l'amour pour Mélo, ça. 4-0-8 sur les dosages. Eh où? Eh! Si t'as des plans, faire du maja, tu m'as les barras. Tu fucked up au parking. Tu fucked up au parking. Fucked up au parking. Au parking. La 25e. Oh, c'est reparti pour de vrai là. Comme un mathématicien, les chiffres m'obsèdent. Quoi? 2-5 kick sec, eux ils roulent en 2-2, moi je roule en 4-4. Je ne crois, j'ai kick sec, demande pas qui c'est. Q sec, on leur fume Q sec. Draba speed, on ne dit Q sec. J'applique toujours ce qu'ils me disaient. Si jeune homme brûle, je commence pas le 17. On monte les marges, les couteaux dans le dos. Kick avec Eddie, F.U. my nigga. Je sors de 2-5, triple 0. La c'est fort, my nigga. Quand on reste assis, j'ai John des 4-6, faut te décapiter. Surveille ta pute, l'union fait la force, on te tape à 10. Je suis versatile, tu en veux 4-6. On sait compter gros, pas besoin de comptable. Moi je te préviens, faut pas du nous compas, persil est au contrat, des balavres au compas. Ne te trompe pas, nous on est des trompas. J'fais des freestyles qui fait bouger des os. 2-5 triple 0, mais la barre haute. J'ride en ville avec des cas sociaux que la France demande pas. On est pas tous égaux. Et puis j'arrive avec mes gars, on vient d'en bas. Accompagné des 2-3 un coup, ouais. J'écris des attentats, l'étaler s'attend pas. Fils des putes, maintenant tu sens les coups. Vivre comme un homme et mourir debout. Fume les MC, parle debout. Si j'ai de la frappe, ça vient de chez nous. Sors de 2-5 à oui, négro, je vous baisse tous. Et j'ai kick pour les chèques. Yuma, Yuva, Teg, Louvre, Louvre. Les petites sages, ah, la phrase est tirée par les chevelines, vous êtes soit arraché les tissages. Attends, c'est très sale, régale-toi à tes masses, ça va faire très mal. Tu les mères, c'est ça, on débarque en bécane, on débat, tu payes, après on démarre, tes masses. Le flow 9 mm, laisse les calculer au millimètre. C'est juste l'histoire de mes maîtres, car on reste des malhonnêtes qui parlent honnête. Mes gars encadrent les périmètres, nous on dérange les paramètres, car on peut passer laisser diriger par un mec. Ah, encore même pas remettre. Bang, j'ouvre les balles, envoyez ça à Zip. Ghost, c'est qu'aujourd'hui, connectez-vous tous. 9 milli. Préparez tous à freestyle, les gars. On envoie. Vous êtes dans enchaîne, la non, enchaîne, non, chacal, quel bail. Enchaîne, enchaîne, y'a qui, on va gêner ça. Thanks. On envoie les prods. C'est quoi les bails, la 25e? Hey. C'est quoi les bails, la 25e? C'est quoi les bails, la 25e? Oh. C'est quoi les bails, la 25e? Oh. C'est quoi les bails, la 25e? Oh, qui qu'est non vous? Benzel, la 25e. Attends. Pour la blessure, là, ça parlait tout. Eh, les gars, rapprochez-vous, ceux qui veulent mettre le casque. Venez freestyle, les gars, là. Je sais qu'on a trois casques. Ceux qui veulent venir là, ils peuvent venir là aussi. Thanks. Il y a du monde. On envoie tout. Ouais. Elroy. Pull up, Elroy. Toujours dans la 25e jusqu'à minuit. Monte le son du casque, s'il te plaît. On envoie. Vas-y, attends, je vais te monter sous ça. C'est bon. Yes. Arrache. C'est Tipor. Elroy. Et Oud. Elroy. BDRG. En ce moment, je suis en conditionnel. Je fais pas de bif, j'évite les fours. Mon ami, la rue fait flipper. Elle a le pif d'Éric Zemmour. Tu me demandes où elle respect. Nique sa mère, on sait même pas qui c'est. Break les frères, on lâchait le fer. Préfère les faire à lycée. Respecte nous, on est des magiciens. À Hollande, t'as fait une pharmacie. Tu me dis que les armes peuvent tuer, mais moi je dis que les femmes aussi. T'es Martin Mystère, je suis Martin Luther. J'aime pas ces catins vulgaires. T'es Martin Break, j'ai braqué la poste. J'ai tout claqué chez Nike et Lacoste. En ce moment, je cogite beaucoup. Y'a pas tellement tout en banque, j'ai dépensé. Tu t'es mis à taper lassé. Pourtant, à skip, t'étais censé. Putain. Les types ne regardent plus les télés, Tobis te ramène au télo, te baisse, ne parle de bédo, de cesse. On tombe pour des trafics de stup, toi t'es dans des sombres. Trafic de pute, la street recrute, les casiers vierges, je crache des 16, ma rage émerge. Le quartier crève à petit feu, moi je dis que c'est à cause de nous. La dose je coupe devant les petits, Nal Chétan. J'aime les femmes mais je préfère le bif, sur la station je rends des services. Ces bad bitch me sourit, je suis un jeune qui viscère les junkies. Mon pote Chucky ressemble à Chucky. Ok y'a pas de soucis en semi, je montais la Katsuki. T'as fait le fou, une patate, t'as vu flou, putain. Elroy. Elroy. Ils ont oublié qui était au chemin tant que je te faisais vider tes poches. A Bobo, je tape un garba. A Moroni, c'est Madaba. Je rentre dans la wilaya de Betna. Les douaniers font du racket. Mérite qu'on leur envoie la balle. Elroy. Les politiciens font de l'argent plus sale que les thunes de la rue. Ils parlent tous millions, donne-moi 100 000, je te jure, tu me vois plus. Ces avances, j'ai refusé, car t'es pas bonne, tout comme ça répute. J'suis personne pour te juger, mais j'peux te dire que t'es une sacrée pute. Rentre dans ta chambre et fais tes devoirs. T'as pas l'âge pour traîner le soir. T'as pas l'âge. J'ai toujours été à jeun. J'pars sans vous serrer la main. Prépare serrer la main. J'parle pas d'Insta quand j'te dis que chez nous y'a plus de 20k. J'ai le même gros pilon. Ça nique ma santé et ma corpulence. T'étais prêt à tout pour un gros billet. Ton âme crame, ton creux froid dans le corbillard. Élève très turbulent, flot crée des tourbillons. Massive comme un tribu, fais pas le rugbyman. Ici la patate, ça distribue sale. Papa savait, j'allais finir au tribunal. Le 7 est cadré par les camarades. Tu rentres et tu vois 12 gros des danses avant tout. Le 7 est cramé par les caméras. Belle et capa, croné à croiser, tu vois tout. Quand tu mets bien, dis-moi gros, tu vas où? Parce qu'ici on te voit quand tu grattes des joints. Ta freestyle sec avec mes loups-garous. Et puis c'est comme si fait 48 jours de jeûne. Oh, 48 jeunes de B, 48 jeux de jambes, garantie, je fais ta fête. Moi, mes garanties, je fais ta femme. Je suis avec Ozo, je fais une affaire. Tu sais ce qu'ils font de son fait d'amour. Avec du réalisme, gros, tu paies encore. La vérité, c'est que ça pue sa mère, il rit de ta vie. Au final, on pleure ta mort. Imprévisible comme un crachat. J'ai sorti 408, j'ai tranché. Petit, je rêvais de la carrière à Michael. Mais la belle est shit, m'a niqué la traché. Je sais, c'est grave ça. Imprévisible comme un crachat, la vie, c'est pas simple. Dans la rue, y'a rien d'attachant. La ragrapée, mais c'est un couteau double tranchant. Ya. On est toujours dans la 25ème, ils sont chauds. Merde. On remonte le casque, poteau. On remonte les casques. Ah, ça c'est bon ça. Je m'installe dans ma nouvelle vie, sans liquide, t'as le flot d'une bouteille vide. Je vais prendre ta place, l'eau a meilleur goût quand t'as soif. Facebook, Insta, Twitter, @Elroy officiel. Follow, bientôt y'aura plein de photos. Si tu likes pas, j't'ai un follow. Enfin, quand j'aurai du réseau, tu veux sauf qu'elle faut poser le bif. Le respect est noyé comme Osiris. Même ses grosses fesses, mais le test de grossesse est positif. Ils osent parler mal des dealers alors qu'à leur âge ils draguent des mineurs. Que leur grosse tête là, bande de pédophiles. Je monte à bord, je vois des gens qui flippent, donc j'anticipe comme un scientifique. Reste cool, reste gentil, bitch. J'ai eu tous ces acheteurs, je me suis senti riche. Je bitrave tout, même des pulls. Tu te crois fort, t'es nul. Même ta go simule. À l'époque, on me téléchargeait sur Emule. Mon ami, j'ai ce qu'elles aiment. Je suis resté bloqué à l'époque des MSN. J'ai encore un Blackberry. En Belgique, ils appellent ça GSM. Vos rappeurs efféminés qui se comportent comme des raclis. Quand faut assumer, ça sort des allô, j'ai plus de batterie. Ah non, j'ai plus de batterie. Allô, j'ai plus de batterie, mec. Allô, j'ai plus de batterie. Balistique. LU2FY, ça dit quoi, mon gavo? Je suis muni de l'extincteur, t'inquiète, ça gaz. Y'a les vrais, y'a les faux, y'a les pétasses. La cervelle de l'adversaire sous les 100 battes. Et c'est quand ça devient chaud qu'ils sont encore tard. Le Lacoste pour Costa, capuché dans le bec, ça découche tard. Si tu douilles, y'a des touche-car. Si tu douilles, y'a des touche-car, touche-car. Et un peu d'impro pour toi, négro, un gramme de ce fort, je suis dans le bendo. Bueno, et quand ça démarche, il est trop chaud, mais gars, voulu faire des trucs cochons. Cochon, pour la carte, pour la potence, t'allume ta mère à bout portant. Elle est maquée, peu d'importance. Une fois que c'est fini, ça recommence. Une fois que c'est fini, ça recommence. Ça dit quoi la 25ème? On est la 25ème. Hey, où donnez la mon gavoir? Thanks. On va tout brûler si les portes elles s'enferment. Même en crispant une puce, vous ne pourrez pas me cerner. J'excelle, tu next level, ex tout. J'excelle, tu next level, toujours dans l'excès. Mec, c'est normal, vise de l'excellence, l'excellent merde. Oh, poule, peux la remettre vite fait. Je vais faire une dinguerie, chant. On vient d'écrire cette putain de shit. On va brûler ce putain de cercle. Le chuchoteur. Yeah. Il va chuchoter. C'était quoi cette prod de folie là? Thanks. Ça m'a excité les frères. Go! Laissez les portes, elles sont fermées. Même en m'encrustant une puce, vous ne pourrez pas me cerner. J'excelle, je suis next level, toujours dans l'excès. Mec, c'est normal, je fais de l'excellent tâche. Jusque l'excellence, l'excès dans j'excellent. Mais maintenant, on la dalle. Mais maintenant, j'ai la balle. Switch, tu nous l'as mis, t'es qu'un snitch. Bitch, avec le temps, j'ai plus de limites. Je pense qu'au milieu, au liquide, je pense au petit. Mais j'ai de l'appétit, j'anticipe en mix. Je lâche que des gros missiles. Je compte plus du tout le nombre de mes homicides. Holy shit, ramène-les. Moi, j'ai pas le temps de chiller, ouais, tu partant, j'y vais. Je mettrai les miens à l'abri comme un charpentier. J'ai un apprenti, mais je dépasse les maîtres. J'ai envie dans mes pensées que moi je m'élève. Papa m'a dit 10 ans, les rangs bavards. La misère en barbare. Qui s'inquiétait parce qu'il m'a vu fumer du shit en bas du bloc avec trois barbus. Mais en plus, c'est grave, j'ai pas la varicelle. Ils savent très bien que les prix ne varient pas. Dans les sous, y'a pas d'amitié. Donc si c'est pas, c'est trop facile. Tu racontes pas ta vie, gros, s'en bat la rage. Ici, les jaloux ont des jumelles. À ce qui paraît, je vais s'éteindre dans le tunnel. T'envis dans l'avion avec pas la voile. Ça pue sa mère et voit tes paragraphes. Ramène du dos, mais on va pas parler chinois. Par contre, c'est la police, on parle arabe. Ils cherchent du shit, mais il est pas là-bas. Tu dis pas raconter, mais tu n'as plus d'argent. Les nègres comme d'encre, ça sert à rien. Comme une meuf, elle se ferme du pute à chat. Chacun la tu des morphales. Peux pas les foutre, tu vas morfler. À le faire caler à morfler. Sentir la douleur sous morphine. Ainsi t'es qui ouvre le droit, tu rentres avec des morsures. Oh, j'aime le morceau. Ça c'est la morsure. J'avec mes you vois mes crapules. La police m'a pas pris. On doit tous la vie à quelqu'un. L'on est la mort, c'est trop pas dans les calculs. On va changer un petit coup, On va changer un petit coup d'ambiance, les frères. Non, toi c'est pas même. On va changer un petit coup d'ambiance, les frères. Thanks. Et où t'as le 25, j'suis avec mes gars. Vous essayez de connaître, savez ce qu'il a civil. J'ai les couilles pleines de poches. Taille gauche, j'suis dans la ville, les couilles pleines de C. Hey, tu le sais, wesh. J'suis avec Gossigo. J'suis dans la ville, les couilles pleines de poches. Hey, j'suis défense à la chaîne du bonheur. J'suis avec mes gars, moi j'm'en bats les couilles. Toi tu viens d'où? Fais pas le fou. Fils de pute, viens nous voir. On a des Voltaros, qu'est-ce que tu veux? Dis-le moi, je te le ramène. J'suis avec l'équipe. Je suis posé pour des passagers, bébé t'inquiète pas, ce soir je rentre, t'as avec des filles, mais reste tranquille. Je suis posé pour des passagers, je suis ponce dessus, Jack comme miel, ouais. Y'a que le Tichy, y'a que le Tichy, ouais. Y'a que le Tichy, et la Jack comme miel qui m'enfonce des filles. Je suis toujours dans la ville, ben. Je suis que le frère de ma ville, elle m'a reconnu. Je suis avec Ghost 4 avec Adama. Oh mon gars, moi Poulo, change d'esprit. Adama était chaud. On va Poulo la faire. Un petit silence là, les gars. Tu veux s'il te plaît, je vais pas trop, s'il te plaît. Thanks. Ce soir, on est dans la 25ème, une spéciale. Et oud, les gens sont dans la maison. Bordel, ils sont en train de te craquer. Dieu te pardonne mes erreurs. Dieu tout puissant pardonne les erreurs. Dieu tout puissant pardonne les erreurs. PNFK, j'écrame tous mes organes. Viens pas pas tapine, ça je n'ai pour de l'oseille. Des fois j'ai mal à dire, je suis désolé. Comme toi j'ai péché pour mon orgueil. Opérationnel pour la monnaie. Avec elle à 8 pour calmer mon angoisse. Je veux la fleur du malin. D'une uniforme comme Baudelaire. On fait chanter tes brodères. Voyez Guico, ma Broadway. Distribue des ballons comme Toji. Trop tôt, j'étais devant l'OPJ. Je viens de la misère des Toji. Poto, je peux pas prier tes totems. J'arrive en paix comme la pote côte sinistrée. Comme la panthère noire ou le panthéon. Tu fais les fous, faudra pas crier. 4 centimètres des lames transpercent la pancréa. Je pète les plans, les gars, j'ai planté un lait. Je t'apprends photo quand je sors de l'appartement. Mes ennemis aidés par les mêmes. Peut-être ils agiront comme gars du parlement. Frérot, je les regarde du père. La TG, la voix cul sec. Mais reproche pas d'être discret. Qui sait, peut-être tu parles au 17. Maîtrise la discipline, j'kick sec. J'suis Cameron dans Deep Set. Un flot des M6 disperse. J'ai fait les flots des Jipesh. Personne va entendre tes cris. C'était tendu les prix. La fin m'a tordu l'esprit. J'ouvrais la tête des Sprite. J'étape des trois gorgées. J'rajoute l'antitoussif. Ton flot de l'antiquité qui vaut pas une piscine. En flot, j'la pacifique. Pourquoi rapper la street? Parce que ça tape qu'on s'attise. Des fois plus nombreux, ça sprint. Mais demande pas ça va. Oh oh oh. Mais demande-moi si ça avance. Ça pique grave. Mais demande pas une avance. Putain, j'ai un kilo de savon. Un kilo. En bas du bloc, ça c'est savour. Dieu tout puissant, pardonne mes erreurs. Bâtiment 29K, j'écrame tous mes organes. Viens papa tapine, ça j'nec pour de l'oseille. Des fois du mal à dire, j'suis désolé. Comme toi, j'ai péché pour mon orgueil. Opérationnel pour la monnaie. Avec elle à 8 pour calmer mon angoisse. J'ai la fleur du mal comme Baudelaire. J'suis calibré comme à Brooklyn. On fait chanter tes brodères. Voyez Guico, ma Broadway. Distribue des ballons comme Toji. Trop tôt, j'étais devant l'OPJ. J'ai bien de la misère des Toji. Poto, j'peux pas prier tes totems. Gang, gang, gang, gang. Remets le casque. Est-ce que tu nous lâches un petit acapella là? Un petit acapella là, tout de suite là. Vas-y, vas-y, tu nous crames un petit acapella. Vas-y. Je vais balancer quelques passes A. Vas-y, c'est bon. Ok. Yeah, on est dans la 25e spéciale et Oud. Vas-y, balance ça. N'importe quel son. Tu fais ce que tu veux. Vas-y, faire. Balance, on va voir le style. Alors, quand on est un peu non-son, on bat. Acapella, ma gueule. Fais un petit acapella, peut-être t'es vas-y, mon gars. Aussi, ouais, ouais, ouais. Fais ça, man. Vas-y. Vas-y, mon gars. Bah, fais un truc qu'on connaît. Je chante en acapella, moi. Acapella, je préfère chanter, capella. Non, vas-y, c'est bon, vas-y, je fais Ghost 3, c'est lourd. Chérie, c'est les jours du jugement. Les ressorties, on va jubiler. Hier, j'étais sur Jupiter, c'est pas moi, monsieur l'agent, vous jure, bilaï. Show labo avec Choka. Sur les drones, on clip Ghost 3. Pétasse, ne fait pas la choquer. 4-0, oui, c'est pas Gotham. Quand tu fermes les yeux, t'entends les tirs. Toujours armé, on s'entend au pire. Nous croiser tard le soir. Fumer les bœufs dans la Batmobile. La ligne dans la tête, pas du soda. Je sais, je la finirai solo. Cicatrisé comme un soldat. Ici pleut des flammes, ici c'est soda. Ici rien n'a changé comme à l'Ouganda. Ça roule des gros tagarons à la Lady Gaga. Ça freestyle sec avec mes loups-garous. Je rentre seul, il me reste des cigaros. Bourré, je vois la mêlée qui arrive. Viens, on descend en bas du garage. 4 contre 1, je m'en bats les couilles, c'est loyal. Sous les manteaux, gros, j'ai 3 garas. Comme Mazembe, je viens du Katanga. Adama, sors les katanas. On sait qu'à tuer Kennedy X, Mulumba, Kadhafi ou Sankara. Grosse pite par katana, longue pite comme l'oreille d'un kakala. Au braquet, awo, bomi, kuna, novie, nazon, dimane, katalaï. Ces fils de pute jouent trop les ceintures noires. Nous, on opère comme la Gestapo. Tu fais les fous sous toutes tes raisons. T'es suis sur son apprend, t'es fait un guet-apens. Wesh, Igo, j'ai rap, c'est que je ressens. Je suis celui qui me ressemble. Évidemment, René, j'ai chant. Y'a pas d'artifice, même en décembre. Oh là là, oh là là, oh là là. Ces fils de pute, ils ont trop la rage. Ils s'acharnent à fouiller la sacoche. Pourtant, les chutes étaient cachées dans l'ouarage. Trop chaud, pas besoin d'un boumara. J'caille dans les frais, fume mon boumaran. De toute façon, j'avais des fous balavres. De toute façon, on te laisse nos balavres. Chérie, c'est le jour du jugement. Les ressorties, on va jubiler. Hier, j'étais sur Jupiter. C'est pas moi, monsieur l'agent, vous jure, bilan. Show labo avec Choka. Sur les drones, on clip Ghost 3. Pétage, ne peut pas la choquer. 408, c'est pas Gotha. Quand tu fermes les yeux, t'entends les tirs. Toujours armé, on s'entend au pire. Nous croiser tard le soir. Fumer la bœuf dans la Batmobile. La ligne dans la tête, pas du soda. Je sais, je la finirai solo. Cicatrisé comme un soldat. Ici pleut des flammes, ici c'est Sodom. Gang, gang, gang. Spécial et haut ce soir, on est reparti, les frères. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, les gars sont chauds. C'est bon déjà. Il nous reste 20 minutes, les gars. Ceux qui veulent cramer le micro, c'est maintenant. Hey, Junior, il a faim, il a dit. Ça fait 3 semaines, il a pas mangé. Vas-y, Junior. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. La 25e. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Ok. Elle tape dans la rue, fait tourner la cocaine. Je me suis fait dans la douleur, no pain no gain. Même sur le beat, on est sanglant. On le fait sans gants, on a besoin d'argent. Faut la mentale, un peu d'acharnement. Le bon comportement pour les faire autrement. Bang. Hey, j'ai tout donné pour mon squad. Hey, sur le rein, t'es dans le stade. T'as un papy prisonnier dans un stalag. Hey, je ferai la couverture du mag. Bang. Hey, je vais tellement briller, t'auras mal aux yeux. Tu te crois au-dessus de moi, vas-y, fais un vœu. Je fais chanter ta biche, c'est pour ça qu'il pleut. Avec la déter, on obtient ce qu'on veut. 40 degrés, je mets la barre haute. C'est mon plan, c'est à le barreau. La quête à 2-5, c'est le tarot. Hasba, mes frères, et ça t'arrose. Beaucoup de méga va sans fume. Beaucoup de méga font des thunes. Tu vois de quoi je parle, tout ça, c'est la rue. Si la hnuche débarque, faut rester à l'affût. On est réel, pas faux vécu. Y'a que sur un son qu'on s'est mis à nu. Tout ça, c'est cru, gratté dans la rue. Hey. Gratter dans la rue, non, on change pas l'équipe qui gagne. On change pas l'équipe qui gagne. Hey, tout ça, ça sans sas, tout ça c'est réel, tout ça c'est sans sas, tout ça c'est réel. Hey, je te l'ai déjà dit, 22h minuit, la 25e, 22h minuit, la 25e, 22h minuit, la 25e, 22h minuit, la 25e. Hey, sa merde hey. C'était resto du cœur, ce n'est pas resto chic. C'est des bouts de bois et pas de play mobile. J'écris des bouts de ma voix sur la mélodie. Hey. Hey, pardonnez-moi si je suis immenti. Mais devant sur un banc c'était étrange. Hey. Moi mon gars je n'étais qu'un petit étranger. Hey. Je ne voyais que le paysage qui changeait. Hey. On se demandait qu'est-ce qu'on pouvait bien manger. Bah. Pour se langer. Hey. Pour comprendre moi je n'avais pas l'âge. L'été à son accotra, pas sur la côte. C'est normal on avait rien dans la poche. La gorge sèche quand j'écris texte. C'est gore mec, j'écris pour exister. C'est gore mec, j'écris pour exister. Ok, la 25e. On est toujours chaud. Pull up, change de prod. Non, tranquille toi. Vas-y, j'y vais. Où quelqu'un y va, j'y vais. Si t'as envie. C'est quoi les bails? Aïe. Je suis avec les coulounaires, les Tchamoutou Bakata, les Chegué, les vrais crapules. Toi tu sais très bien qu'on parle peu. Donc quand on parle toi tu parles plus. Je te parle de l'amour pour tes casser le cul. T'as rime des princes pour des crapauds. Mais ça sert à rien, mais qu'est-ce que t'as cru gros, vaut m'étendre la main à un manchot. Comme un soulard, toute l'année avec comme un même soulier. Je suis absent même pourtant je suis là. Parle pas trop papa, crois que tu pas souciant. Dans ma tête c'est la guerre comme au Soudan. Soudan. Toi t'en sais pas se faire des sous-sols. Mais c'est t'as déjà géré un sous-sol. Passer tes journées dans le sous-sol. Tout s'évole vu que tout s'achète. Ici y'a que la moula pour nous soulager. Je rentre pas maintenant, il reste que sachet. Je gratte gros, j'écris une saga. Les trucs durés sombres comme Sako. Ne casse pas les cuits, fais mon taga. Permets-moi d'acheter mon tacos. Permets-moi d'acheter mon tacos. Tacos. On se ramène le tacos. T'es au désus. Non mais c'est quoi? La 25e. Le désus. Radio Sud. Sans moi ce qu'on dit pour qu'est vide. Je vois déjà le mamie prendre des rides. Vite, point un bif. Déterminé, j'ai la grinda. T'as quelques amis qui sont bizarres. Jamais rêvé d'être un tister. Les plus gros têtes, c'est ceux qui s'arment. Savoir faire rare, c'est ceux qui nous séparent. Chaud depuis le départ. Merde, viser le but sur corne. J'gratte en moins d'un quart d'heure. Tu fais plus de vues, mais pas mieux. Tu peux juger, mais pas te réfugier. Le studio à la messe se transforme en QG. On est rusé et pas prêt de sucer le suppos. C'est le tech, tu sais déjà où le mettre. Quoi? C'est pas lui qui l'a écrit. C'est pas lui qui l'a écrit. On va se calmer un petit peu, après on va renvoyer la frappe. Sur les rues de ma ville. Sur les rues de ma ville, y'a un petit couplet. Sous les rues de ma ville, ouais. Sous les rues de ma ville, je traîne. Sur la ville, les rues, je traîne. Sous les rues de ma ville, je traîne. Sous les rues de ma ville, le jour se lève sur les rues de ma ville. Je pense à ceux au ciel qu'on a vu partir. Je prends mon client, on passe à San Martin. Je rêve du million, compter les thunes par mille. Pour l'instant, je le dis en passant. Si le bonheur m'attend, j'ai perdu patience. Percer dans le rap, signer des contrats. C'est pas pour moi, ça reste un passe-temps. Je suis dépassé, je vois des petits frères bloqués sur le terre-terre à refourguer la planche. La conseillère nous a orientés vers un art. Y'avait pas de branche. Dorénavant, je fais de l'avant. grand sourire pour monsieur l'agent. Tout est en règle, c'est embarrassant. Il regarde quand même d'un air menaçant. Tous coincés dans la salle d'attente. Faut faire le taf, provoquer sa chance. La rue te regarde d'un air attachant. Avec les années, tu verras ça change. Quand c'est ton pote qui passera à la barre. Quand c'est les bleus qui retourneront la part. Quand les soucis s'inviteront à ta table. Pour pas traîner, je te donne un conseil, t'as ton intérêt. Quand y'a des bails, tu te laisses engrainer. Une fois dans la fosse, personne va venir t'aider. Mayday, mayday, qui sont les vrais? Qui sont les ennemis? Ouais, qui sont les traîtres? Dans la vérité, bâtiment rose à 35. On n'a pas les mêmes génies, pas les mêmes poses. Pas le même débit, tu n'as pas les mêmes doses. Pas le même sadisme, pas le même génie. T'aimes trop la rue, elle t'offrira pas de rose. Elle t'offrira pas de rose. Non, elle t'offrira pas de rose. Hey, les choses veulent encaisser, c'est sale. Pour un rappeur, le disque est dans ses bras. Les rappeurs, une vitesse qu'on tout de suite dans la tête. La flicaille nous pisse, les tramés dans la caisse. Pour un plafond, on est hal. On prend billet, top dans la malle. Balèque de ta richesse, on veut la princesse. Balèque de ta richesse, on fait que du sale. Le grand-père a jamais vendu des noirs. Aujourd'hui, c'est sa go qui vole la blanche. On a peut-être peur de mourir parce que des hommes qu'on est, les paradis nous voudra pas. Il m'avait dit, t'inquiète pas, frère. Je touche à rien si jamais on va là-bas. Après 4 flashs, j'essaie. Y'a rien à dire, c'est moi qui improvise un vol en bande. Si on se bouge pas, qui va nous nourrir? On vendait la drogue même quand c'est Noël. Et pour la guerre, t'attends le déluge parce qu'il supple des balles chères avec Noé. J'suis pas dans vos soirées, dans vos élires. À part c'est pour faire de toucher rectal. Et j'ai les deux yeux pour les bénéfices parce que l'idée de mourir ici me terrifie. Et tire quelque part, goûte la Medellin. Millingans a déjà des convois. Pourquoi ça sert de me décroche pas? T'étais la lumière, prends-toi une grosse frappe. Prends-toi une des grosses doigts. Mets-toi des grosses doigts. Sapo, j'étais pendant longtemps enfermé dans un conteneur pour éviter que je les blesse par des contenus choquants. Pour ça que tout ce temps je me contenais pour éviter de faire du sale en continu. Méfiant de tous ceux qui voudraient me maintenir à leur côté au cas où pour y parvenir. Attends, pull up ça, le gars. La 25ème jusqu'à minuit, ça va cramer le micro. Apparemment, je me fais engueuler parce que je rappe pas alors je lâche un peu. Eh les gens, si vous venez ici, faut rapper les frères. Sapo log. Bang. Je blâme mon texte. Mais non, c'est pas sérieux ça les gars, c'est pas sérieux ça. Y'a rien. Non, je rigole. On est dans le mood. Avec femme sourde, on est dans le mood. Les junkies, pas ce fast food. Passe au fast-food, les junkies, passe au fast-food. Quoi? Passe au fast-food, les junkies, passe au fast-food. Je suis la 25ème, freestyle. La 25ème, écoutez ça les gars. Tu sais ce que ma prof m'a dit? À cause de ma couille, je vais finir comme Malcolm. Si demain j'ai douille, si ton aimé donne sa chatte gratuite comme la prof à Macron. Absent presque dans toutes les matières. Papa m'a vu sortir les matins. Malheureusement, j'avais menti. Des macaques. Oh, les voisins sont vigilants, t'inquiète pas, j'y reviendrai voler plus tard. L'hiver, je brasse avec la fourmi. L'été, je chante avec la cigale. Fumé des bœufs dans l'habitacle. Je suis avec Biggie, je fuck l'Mbila. Voir rouge et noir comme les Milan. Mélange les pondous, les mafous d'Ambila. Mini pile, je fais le bilan. Y'a plus de billets chez le boulanger. On se déplace pas pour moins de 10 grammes. Ramène la moula pour nous soulager. Mais plus la jeune, plus ça, ça s'élargit. Mon problème, c'est l'argent, monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Laisse-les faire les bails, laisse-les faire les trucs. Laisse-les faire les bails. On va enchaîner. On change de pro de quel bail? On va enchaîner. Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. Faut pas mettre. Non, mais c'est elle, la même. Allez. Non, elle est rentrée, toi. Sylvarez. Aïe, à ce qui paraît l'agent Rambo et Laurent, la police. On vient te soulever tôt à 6h comme la police. Je la ramène pour la fourrure au télo. Je la tiens pas ses cheveux lissés, serrés. Couquin mes pépons, je lui mets la vaseline pour que ça glisse. Je dis le sac quand je suis bourré. Barbarie est content quitté. 237, on vient pour s'imposer. Le premier quitté, ça va le sodomiser. Je bats le game, ma vie chop blindé. 25k sur le capot, j'ai misé. Je bats le game, ma vie chop blindé. 25k sur le capot, j'ai misé. Ramène la coca, je te fais du crack. Fais des pétions si tu veux qu'on croque. C'est la récession, c'est au moment dont je craque. Il est l'heure, dans le game, faut que je croque. Hey yo. Hey yo. Hey hey. Hey hey. Hey hey. Hey hey. À quoi la vie? Je vends la mort. Ça débite plus qu'à Baltimore. Pour mes pesos, habituellement. C'est pas la bille qui fait le moine. Dans son bas les couilles, déjà qu'a dit. Et encore plus la peine du mois. Hey yo. et yo, et encore plus la fin du mois. Écoute-moi bien, mes négros, c'est des bad boys. Jamais tes leçons passées, je suis capuché gros. Pète comme mon cowboy à distribuer de la C. Donc, garde pour toi, tu t'es conseillé. Apprends à faire tes lacets. Tu fais le dur, j'ai prêche la gâchette. Et puis, bang bang, en pas de tout passé. Posé dans le bâtiment, dépêche ta de gentiment. Viens. Pétasse, pourquoi tu mens? On sait que t'as tourné dans tous les bâtiments. Et ça débite plus qu'à Baltimore. Faut prendre gros, c'est ma gueule. Pourquoi tu mens? Y'a pas de grand ou de type en retour, j'aimant. Baisse le temps et pas tranquillement. Et y'a dans le terrain, j'ai mec qui débute. Et c'est radio à la base D. T'aspect, garde tes sentiments. Je m'occupe de ton tarpé. Toujours dans le bâtiment, ça vend des rêves, ça vend la mort. Touche un petit peu du bâtiment. Tout le quartier technique t'es mort. Et y'a depuis que j'ai fait du son, c'était plus tout autour de ma vie. Ça vit grave tous les quatre saisons. Pour avoir la vie de bourgeoisie. Y'a pas des clients qui est roi. C'est le premier venu que le premier service. Avec à la shit, coque ma gueule. Et de la peu de la Serbie. Que j'ai fait du son, c'était plus tout autour de ma vie. Ça vit grave tous les quatre saisons. Pour avoir la vie de bourgeoisie. Y'a pas des clients qui est roi. C'est le premier venu que le premier service. Avec à la shit, coque ma gueule. Et de la beuh de la Serbie. Hey yo, hey yo, c'est la B5K ma gueule. C'est tonton BDRG. C'est la B5K, ça dit plus qu'à bâtiment. Les BDRG, c'est sur YouTube. On remet là. Il nous reste exactement 9 minutes. Attention avec les micros, les gars. Les 9 minutes qui restent pour les. Attention avec les micros, les gars. Ok. Thanks. Edinho. Edinho. Edinho. Edinho. Edinho. Edinho. Toi t'es le sang de l'artère. Si jamais comme moi tu proviens du caverne. On a les mêmes délires, on n'attend pas le déluge. J'ai Dieu qui tape la neige, j'ai son pouce sur une luge. Tu l'as mal baisé, c'est mal au fond ton être. Elle veut pas de sentiments, elle veut des centimètres. Regarde la bague, le toucher est rectal. Pour eux tout est banal, ils pourraient bien te la mettre. On est là, on fait des trucs bien sales. Sur la prod, la rafale est verbale. Take Dynasty, ils sont tous tapis. En une seule prise, je me les mets au tapis. Qu'on pèse ou pas, qu'on biffe ou pas, on gardera toutes nos valeurs. Qu'on règne ou pas, qu'on pète ou pas, on gardera toutes nos valeurs. De timbré, pourtant je suis pas facteur. Je viens commettre un hold up, appelle-moi l'imposteur. Je suis venu ravitailler, enflot tout le secteur. Les rappeurs sont en manque de flow tous les quarts d'heure. Sors la massa, roulage à droite, fume sur le bédo pour ensuite t'envoler. Ramène tes potes, ramène tes yachts. Vous faites un pour tous, moi c'est un contre mille. Je vous dépasse en charisme, en flow et en or. Je me. Dans les rues de ma ville, la personne qui ne m'a jamais trahi, c'est mon nom. La prod elle est lourde et le charisme aussi. Je reste un crevard, mais laisse-moi t'expliquer. Je pouvais faire ma propre prod, mais sur celle-là y'avait marqué gratuit, alors j'ai cliqué. J'en ai marre de pas dire, j'en ai trop donné depuis que j'ai commencé. Mais certains sont pas convaincus parce que pour un fou, tu parles qu'on est drogué depuis que soi-disant pour avoir un pic. Ma face est moi avec ton nez. Ma couleur de peau devient mon bouclier. Et ça vole là. Et ça vole là. Les blancs qui imitent le noir, ça fait rire les noirs. C'est ça vole. Les blancs qui imitent les noirs, ça fait rire les noirs. Les gens c'est des blancs. Les noirs qui imitent les noirs, ça fait rire les noirs. Qui prend pour des blancs. Écoutez ça les gars. Les blancs qui imitent les noirs, ça fait rire les noirs. Qui se prennent pour des blancs. Des blancs. Moi je rêvais, arrête par les grands. On va trouver à la gare. On est tous fous à la base. Sous 7 on connaît la base. Sous 5 on connaît ta tasse. Et où t'es, où t'es, où t'es, où t'es. J'essaye de stopper l'hémorragie. De sorte que beaucoup d'entre nous mourront. Souligne un piste qui me rejoint. Y'a que son portefeuille qui me rejoint. Dans mon champ de vision tu restes resté. Robert Carlos qui t'es frappé. Tu plaises des rois, il m'en fout des refrains. Ta famille du sang, j'ai refrains. La colline se précipite vers mon allégeance. Autant de pêche, je n'ai pas mon allégeance. Les amis, moi, t'es pêche, j'ai l'allégeance. Dans le bloc avec Edino. Dans le studio, y'a Negrito. Dans le studio, y'a Charisma. Dans le studio, y'a mon clavier. Y'a toi la colline. Chao sur les mics. Chao sur les mics. C'est en train de jeter des gratins. Putain, c'est lourd, les studios. Hey yo! Et la 25ème, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Yo, yo, yo, yo. Il nous reste 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes pour cramer du micro. C'est quoi ça? Bordel, bordel dans les studios. Les gars, il reste 6 minutes. Qui veut peur sur celle-là? Il reste 6 minutes. Qui veut peur sur celle-là? Ouais. Vas-y, bang, bang, bang, bang, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Yeah. Vivre vieux devient un luxe. Enfermé dans la matrice. Tu vas te vider au pute. Ta meuf t'attend à la messe. On en voudra toujours plus. Non. L'homme il n'y a rien qui l'arrête. Arrête. C'est trop souvent qu'on abuse. Oui. Dans le péché t'es à l'aise. Faut pas rater l'occasion. La frappe est locale. On le fait à l'audace. À la foule tout dans le socal. Y'a que la bœuf qui m'apaise. Tant qu'on se même dans le bus. Quand tu en veux tu m'appelles. Faut pas que tu crames ma puce. Bellec, trou de boulettes. Dinal de grosse bouffée. Petit, j'avais la lèpre. Aux anniversaires j'étais pas invité. Plein de MC qui m'appellent. Mets un truc avec un peu plus de rythme. On essaye, on essaye, on essaye. On est reparti, on est reparti. Mets du rythme, mon pote. Hey. 22h minuit. 22h minuit. Ça va cliquer. 1-2, 1-2. 22h minuit. Big up, big up. Pour la ok. 1-1-1. Ça, ça prologue. 22h minuit. Ok, je viens. Ok, je viens. Ok, je viens. Ok, je viens avec un flow que pour vous n'est pas approprié. Au lieu de vouloir jeter le tac, les lever pour prier. Nègre trier sans crier, tous ceux qui pourraient vous oublier. Je deviens chien comme la vérité que tu peux pas maquiller. Je soulève, t'es impressionné comme un allé oup. Allez hop, là c'est juste pour toi, tu crois aller où? Pour le coup, je pense seulement, demande à Salomon. C'est seulement, ça pour l'autre frapper un peu plus doucement. Ok, je suis un pour des millions, impressionné des milliards. Des ennemis sont des milliers, me sac la terre du millier. Tu sais que je veux t'humilier par des alliés. Attends, commençons, je veux de la manie, manique à manie les malades. Flow techniquement validé par des malades. À ce qu'ils puissent équiper, à ce qu'ils pleurent, équipe le kick. Mais bizarrement, quand je déguise ton équipe, il part en balle. Tu glisses sur le côté blanc du terrain. Sans skier, j'écris pas beaucoup parce que j'ai la flemme comme un entier. Pour appuyer davantage vos MC, ils veulent me copier. J'écrivais des gestes et que même sans en faire de papier. J'aurais pas dû dire ça. Viste comme si j'étais en Vespa, mais Sista. Sister, aussi facile d'exister. On doit le passer fait comme le passage de Windows Vista. Depuis le bac à sol, matraque, ça chue la peu fra et la masse. Ça va être assassin que des mastacs. T'as rien de costaud, va à la fin. Les Shaolin. Je vais le compte en vogue des Nazaria, la daronne à la casa qui rêve paysage Talaza. Sans choco, ma phrasa, cicatrice ineffaçable. Je suis sincère, je suis bon casse, pas de la demeure que tu tasses. Je kick les prods, non, j'ai pas quitté les codes. En scratch, fais kiffer mes buzz. Weekend, c'est cuit, c'est des codes. Y'a pas de pichonnette, demande à June, je kiffe les mecs, demande à June, je kick le beat, c'est limpide. Viens prendre ta leçon, cassez-moi la scie. Tuteur, putain de merde, j'ai pas vu l'heure, il est temps qu'on fasse du beurre. Oh, la tête qui tourne, même si t'es pas humeur. Ah, femme, mais je graille ça. Oh là, qu'est pas ça. Je suis un peu tocal comme Holder, tu passes. Mes katas, je suis discret, mais je fous le vacarme. Si je mange avec le rap, les rayos passent tous à table. Bon appétit, bon appétit. Je suis pas dans le BTP, un tout qui un sachet, rien qui tape un TP. Je suis posé dans le bendo, des charclos, des clandos. Viens chercher leur dieu dro. Ouais, la rue c'est paro. Ça m'a toqué de faire du rap, la vie c'est chacun pour soi. Rien à foutre, j'ai pris le mic, la vie c'est chacun pour soi. J'ai un seul regret, j'ai fait pleurer ma mère. Maintenant qu'elle est partie, je suis en perte de repères. Perte de repères, je suis en perte de repères. On s'est ressaisi, on a fait de l'argent. Éviter les d'argent, ouais fallait bien gémant. Les grands de ma ville m'ont dit faut y aller. Charbonne un peu tes textes pour aller les massacrer. Les flots sont chargés, les punchlines aiguisés. J'ai tout mis en œuvre pour sortir des tranchées. On a saisi le bail, ouais ma gueule tu crois quoi? Ils t'appelleront encore tant qu'ils auront besoin de toi. Y'a plus d'amitié, des conflits d'intérêts. Ton âme de profiteur, Ico je l'ai enterré. J'ai mis du temps pour comprendre cela dans la tête. Une de gentillesse est un aveu de faiblesse. Nègre t'es tout crispé, ton équipe je la rends triste. Posez tous les stylos, ça pour leur dernière artiste. Oh le. Ça me fait plaisir. Il m'a calmé sec, il m'a calmé sec. Non c'est l'autre, attends. Sapo, sapo, sapo. Ouais j'ai changé, attends. Sapo. Attends. Pull up les gars, doucement. Là sortez vos poubles, les plus beaux couplets là. Ah non, les meilleurs les gars, sous le coussin. Donc du coup les gars, doucement, faites pas trop de bruit. Il reste exactement une minute. Vas-y Gore, crame ça, okay. Non. Bon Gore il ouvre les balles et je pense envoyez, ça va comme envoyez, ça envoyez. Après moi je vais danser au cas où. Gore. J'ai tellement taffé que je trouve plus de barrière. Waouh, waouh, waouh. Quelques cavas qui se trouvent à mes arrières. Waouh, waouh, j'ai tellement t'as fait que je trouve plus de barrières. Gang, gang, yo, j'ai quelques gavas qui se trouvent à mes arrières. Hey, hey, yo, j'ai besoin de personne pour mes quadrilles. J'étais mauvais à l'époque, mon gava, ça riait. C'est rien, pro, ma série dans les tympans. On t'avait dit que pour le taf, j'étais partant. Tu savais déjà les barfets, c'est flagrant. J'ai mis ce campement à moi tous dans le carton. Je vais vous croiser, on est OP dans les starting. Trop beat pour me stopper pour la Parkinson. Oh, j'ai qu'on prépare dans les parcs.